besoin du nord, de sentir sous mes pieds et marcher sur la pierre des montagnes sans arbres aux mémoires de glaciers. Besoin du nord, dans mes os, dans ma chair, un troupeau solitaire arrache à coups de nerfs. Nourriture sous la glace, comme je cherche ma trace. Besoin du nord. Besoin du nord. Le sentir en plein jour, traverser la rivière quand le silence entoure, de souffler le battement du thorax et du thym. Besoin du nord, le sentir dans la nuit quand il n'y a plus d'autres mots et qu'il faut que je le dise. J'ai peur de la mort, mais j'ai moins peur ici. Besoin.